éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, je vais vous parler de Simone Veil, une femme qui s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes et pour la mémoire de la Shoah. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive. Son adolescence est brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale, car en 1944, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz. Elle survit à l'horreur des camps mais perd une grande partie de sa famille. Cette épreuve va profondément marquer sa vision du monde et son engagement tout au long de sa vie. Après la guerre, elle décide de se reconstruire, elle fait des études de droit et devient magistrate. À une époque où les femmes sont encore peu présentes dans ce type de fonction, elle réussit à s'imposer par son sérieux et sa détermination. Dans les années 1970, elle entre en politique et devient ministre de la Santé. Elle arrive alors dans un univers très masculin où les femmes sont rarement écoutées. Pourtant, elle va rapidement s'imposer sur un sujet essentiel, le droit à l'avortement. Simone Veil refuse que les femmes soient contraintes de mettre leur vie en danger. En effet, à cette époque, de nombreuses femmes ont recours à des pratiques clandestines, souvent dans des conditions très dangereuses. Mais ce combat est extrêmement difficile. Elle doit faire face à une opposition très forte, notamment à l'Assemblée nationale, où elle subit des attaques violentes, insultantes et misogynes. Malgré cela, elle reste digne, calme et déterminée. Son discours devient un moment historique et la loi est finalement adoptée. Elle marque une avancée majeure pour les droits des femmes en France en leur permettant de disposer de leur corps. Par la suite, elle continue son engagement politique et devient en 1979 la première présidente du Parlement européen, ce qui montre qu'une femme peut accéder aux plus hautes responsabilités, même dans un contexte international. Tout au long de sa vie, Simone Veil reste aussi une femme engagée pour la mémoire de la Shoah, afin de transmettre ce qu'elle a vécu et de lutter contre l'oubli. Elle meurt en 2017 et un an plus tard, en 2018, elle entre au Panthéon, une reconnaissance exceptionnelle pour une femme qui a marqué l'histoire. Simone Veil a non seulement ouvert la voie aux autres femmes en politique, mais elle a aussi permis des avancées concrètes pour leurs droits. Elle incarne le courage, la dignité et la lutte pour l'égalité.